Adore-moi, rends-moi immortel. J'ai fait un clin d'œil au malheur frêle. S'il n'y a pas de pire, il y a meilleur. Les saveurs qui durent n'ont plus très peur. Ici et là, gardons espoir pour m'approprier les erreurs du passé. Ici et là, je pose des dalles. Ce sont elles qui me guident prudemment, elles m'installent. Et mes larmes sèches se coucheraient à la nuit tombée. J'ai fait un clin d'œil au malheur. Il est épouvant. S'il n'y a pas de pire, il y a meilleur. En début de journée, et les saveurs pures qui chantent en cœur pour l'éternité. Que le bonheur soit trouvé pour l'éternité. Que le bonheur soit trouvé.